parce que d'abord, si nous ne payons pas, les bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, que nous allons mourir. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont amenés, ceux qui nous ont conduits à l'endettement, ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Non, monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu, c'est la règle du jeu. La vie continue. Ne pouvons pas rembourser la dette parce que nous n'avons pas de quoi payer. La dette parce que nous ne sommes pas responsables de la dette. Nous ne pouvons pas payer la dette parce que au contraire les autres nous doivent ce que les plus grandes richesses ne pourront jamais payer, c'est-à-dire la dette de sang. Yeah.